Je parle d'Algérie, mais je parle de l'Afrique du Nord, là. Parce que la formation qu'il m'avait fait faire, c'était pour l'Afrique du Nord. Puisque l'Algérie était française, vous le savez, le Maroc était protectorat et la Tunisie aussi. Donc les deux, le maintien de l'ordre était pour les trois départements, hein, les trois